Avouer à demain. demi-mot pardonné, tous tes défauts avoués. À demi-mot pardonné, mais c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Allez, bienvenue les amis, c'est Kevin en direct du Before Dance Floor. On est là jusqu'à 21h, j'espère que vous allez bien. Allez, les amis, on fait un nouveau jeu dans le Before Dance Floor. Vous êtes sur le Facebook Kevin RD, vous m'envoyez un message privé. Je vais vous citer une phrase d'une chanson, le premier qui me dit l'artiste. Voilà. En tout cas, c'est parti. Lunettes de soleil bien calées devant les yeux pour une paire achetée, mec, j'en ai eu deux. Voilà. Qui est-ce qui a dit ça dans cette chanson? Lunettes de soleil bien calées devant les yeux pour une paire achetée, mec, j'en ai deux. Je vous dis un indice. C'est un chanteur qui démonte tout. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Vous me répondez sur Kevin RD. En fin d'émission, on vous dit le gagnant. Vous allez repartir avec un voyage à Las Vegas. Non, je plaisante les amis. Allez, bienvenue sur le Before Dancer, c'est Kev. 21h, le Before Dance Floor avec Kev sur Radio Mix Floor. Là, maintenant, les amis, on parle de sexe. Là, maintenant, là. Radio Mixfloor, un max de sons. Allez, je vous l'ai promis, la position favorite des Français, des Françaises. Voilà, au lit, les amis, on va partir directement avec la position 3. Donc, c'est la position. Not that, baby. Alors, c'est la position 3, c'est la marelle. Voilà, donc pour vous expliquer un peu la position, donc c'est la femme, elle est courbée et pénétrée par l'homme. Elle est en position demi-assise et l'homme prend son temps, il avance tout doucement pendant que sa femme peut lui caresser le dos. Oui, oui, je sais, Alex, je sais. Oui, oui, je sais. Deuxième position, nous avons la lotus, les amis. Donc, c'est très simple, l'homme est assis à califourchon, je sais pas c'est quoi, donc je sais pas comment vous expliquer. Donc en gros, la femme est assise sur vous, sur le lit, la femme est chevauchée. Il rime le mouvement avec ses mains et caresse les seins de sa partenaire avec sa bouche. Oh là là là là. Oh là là là là. Pour les amoureux qui nous écoutent, les amis, attention, la première vent. Alors, la première vent. Putain, attendez, excusez-moi. La première position. Plus fort. Encore plus fort. La première position, les amis, elle s'appelle le ventilateur. Je vous explique pas. Donc c'est comme un zizicoptère, les amis. Sauf que la femme est courbée, les genoux pliés contre le zizi du monsieur. Non, putain. Qu'est-ce qu'il faut pas dire pour cette émission. Bref, c'est un zizicoptère quoi, sur les fesses de sa partenaire, les amis. Ça s'appelle le ventilateur. Voilà, pour l'été, c'est pratique. Bref, en tout cas, les amis. Plus fort, encore plus fort. Excusez-nous, les amis. Alors, donc, bah voilà, donc c'est le Before Dance Floor, les amis. Je vous l'ai dit dans cette émission, vous allez apprendre des choses. Oui. Oh là, oui, je sais, la production, il t'en manque aujourd'hui. Oui, oui, on le sait, calmez-vous. Calmez-vous, bref, on revient les amis, je sais même plus qu'est-ce qu'il faut lancer, c'est une émission tellement organisée ici. On revient dans quelques instants avec vos dédicaces hein, sur le Facebook Kevin RD, n'hésitez pas à vous m'ajouter. Et puis je rappelle hein, la phrase qu'on a donnée tout à l'heure, on dira le nom du gagnant en fin d'émission les amis. Il n'y a rien à gagner mais voilà, c'est pour le fun, bienvenue. Radio Mixfloor. Un max de son dance floor. Une cible facile, une maison isolée. Il est aveugle. Ça va être du gâteau. Jusqu'à ce qu'il s'y entre. Qui est là? Par le réalisateur de

tan solita, ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí, ni por tu idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir, óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle, rumbeando y bebiendo a la vez, tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Sur le Before Dance Floor, j'espère que vous allez bien. Oh là là, j'ai l'impression de parler comme un forain, les amis. Allez, c'est parti, on y va. On anime la pêche au canard. Allez, dédicace à Ryan qui fait une dédicace à son frérot, là, Kiki. Ah bah, ça fait, c'est trop mignon. Il y a aussi Lohan qui embrasse son copain, son petit copain Mathéo. Allez, tout de suite, Cashmere en direct de Radio Mixer. C'est Before Dance Floor. Bienvenue tout le monde.

justified, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify. Welcome les amis, c'est Kev. Je vois que la production sont en train de faire des grands gestes. Et voilà, ça y est, ils sont perdus là. Allez, tout de suite les amis, on va se parler de ce que les filles cherchent. C'est un homme. Aujourd'hui, on a une fille avec nous dans les studios. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc la production est en train de me regarder parce que c'était pas prévu que je fasse parler une auditrice qui est avec nous dans le studio du Before Dance Floor. Ça nous fait plaisir les amis, en tout cas qu'elle soit là. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour coquine. Ça va Amandine? Donc Amandine, n'hésite pas à parler. Le micro est au-dessus de sa tête quoi. Alors Amandine, ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis au lycée. D'accord, pourquoi? D'accord, alors, d'accord, le truc bizarre quoi. Ça fait plaisir. Je sais pas si on peut lui mettre. Ouais, bon, tant pis, pas de casque. Donc, alors, les filles, qu'est-ce que vous recherchez chez un homme? Qu'est-ce que tu recherches, toi, Amandine, admettons, qui a ton copain juste à côté? En plus, big up à toi, Antoine. Hein, merci d'être venu dans les studios en plus. Qu'est-ce que tu recherches, Amandine, chez les garçons? N'hésite pas à parler dans le micro, tu as l'habitude oui. d'avoir quelque chose devant la bouche. Allez, n'hésite pas, Amandine. Alors, qu'est-ce que tu recherches chez ta dobe? Allez, on t'écoute. D'accord, on réfléchit pas trop non plus. Ça nous fait plaisir. L'heure tourne. Je sais pas. Genre, je vois que ton copain a des lunettes. Tu aimes bien les lunettes? Ouais. Homme à lunettes? Ouais. Femme à kékettes. c'est pas possible parce que les filles ont pas de kékettes. Donc, d'après un top, les filles vont rechercher chez un homme, donc en cinquième position, la persistance. D'accord, tu me regardes avec des yeux parce que tu comprends pas, c'est normal. Moi non plus, je ne comprends pas. Je fais lire ce qui est écrit dans mon émission. En quatrième position, l'esprit d'aventure. Est-ce qu'on peut brancher le micro aussi aux copains d'Amandine? Tiens, voilà, on va faire le tour du public cet après-midi. Ça nous faire plaisir. Bah, c'est bon, cet après-midi ce soir à 20h, c'est bon, tranquille. Bonjour Antoine. Bonjour. Ouh, la voix. Enfin, bonsoir. Ouais, bon, c'est pareil, c'est bon. Ouais, c'est pareil. Je viens de sortir des cours, vous allez pas me casser les couilles, les copains. Ah ouais. Bref, alors Antoine, ouais. Est-ce que tu as un esprit d'aventure, toi? Ah ouais, je suis un aventurier, moi. D'accord. Amandine, est-ce que tu trouves que ton copain a un esprit d'aventure? Bah ouais, je suis aventurier moi. D'accord, ok. En troisième position, nous avons le savoir faire rire. Donc c'est-à-dire que ton copain doit te faire rire. Est-ce qu'il te fait rire? Ouais. Ouais. Vas-y Antoine, fais-la rigoler. Je t'aime. D'accord, c'est pas drôle. En deuxième position, nous avons une valeur sociale. Donc c'est-à-dire que ton copain doit être social, etc. Et en première position, les amis, le savoir diriger. Donc c'est savoir faire l'homme à la maison, etc. Voilà, bon, en tout cas, merci à toi, merci à Antoine, merci à Amandine. De rien. Voilà, je vais vous laisser reprendre la place dans le public. En tout cas, la production, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit lancer. Mais en tout cas, c'est le Before Dance Floor, c'est Kev, on est là jusqu'à 21h. Bienvenue tout le monde. Oh, j'adore ce son, les amis. Vous le connaissez, c'est sur le Before Dance Floor. Bienvenue tout le monde, c'est Kev, on est là jusqu'à 21h. Bienvenue tout le monde. About to land, after years of joy, life's a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground. Hard to walk again. You told me how to fly. You drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down. Blow me down. Save me, kill me. Shoot me down. Blow me down. Save me, save me.